Vous êtes à l'écoute de... Donc bonsoir, voilà, vous êtes sur à l'écoute de Tranche d'Anard, effectivement, sur Radio Air Libre. Notre adresse, comme tous les mercredis soirs, d'ailleurs de 20h30 à 22h, notre adresse est toujours le 365A, Chausée-Lalzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons deux invités qui vont nous parler de ce qui se passe au Chili. Pas seulement. Mais enfin, l'émission au départ, c'était ça. C'était, oui, bon, oui. Après, bon, si on parle d'autre chose, ça sera autre chose. Au départ, c'est au Chili, mais après, il y a des... Après, ça s'étend. C'est tout un... Au Chili, en ce moment, il se passe des choses qui ne sont pas très jolies. Depuis Elles un certain temps. Elles sont jolies et pas. Ouais. Il y a deux parties, on peut dire. Oui, il y a pas mal de choses, pas mal de mouvements au niveau des étudiants et pas mal de manifestations qui se passent là-bas avec une violence assez extrême, avec un pouvoir qui est quand même assez dictatorial, on peut dire, et qui veut changer la constitution. Je vais expliquer un peu. Si oui, je pense qu'il faut que tu expliques. Voilà. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Nathalie et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Las Insumisos. Donc, je suis chilienne d'origine. Ça fait quelques années que j'habite ici. Il faut savoir que le Chili, c'est un pays, bon, vous connaissez tous la dictature, ce qui s'est passé et tout, mais c'est devenu après le pays laboratoire du néolibéralisme, en fait. C'est devenu vraiment l'endroit où ils ont fait tout... ils ont tout essayé, tout ce qui est enseignement privé. Donc là-bas, si on veut aller à l'université, il faut payer 300 euros au minima, même à l'époque, il y a 20 ans, je ne sais même pas combien maintenant. La santé payante, donc c'est vraiment un système avec même les pensions, c'est avec AFP, donc il faut cotiser, tout est privatisé en fait, avec un salaire minimal vraiment très misérable, en sachant que voilà, c'est des salaires minimaliste, où les gens ne peuvent pas avoir une éducation qui permet, par exemple, d'accéder à l'université ni à la santé de manière... Donc, il faut vraiment être né quelque part, comme on dit, pour avoir accès à certaines choses au Chili, avec des prix qui sont équivalents à ici, en fait, au niveau... Même le lait, je pense qu'il est plus cher, donc c'est vraiment... Donc voilà, c'est un pays qui est vraiment devenu le néolibéralisme, le pays laboratoire, et tout ça un peu qui commence maintenant, pas un peu, vraiment tout à fait maintenant en Europe à s'implanter de manière assez, j'ai envie de dire, c'est pas discret, mais les gens ne se rendent pas trop compte en fait comment toutes les lois qui sont en train de se transformer ici en Europe vont dans ce sens-là, de privatisation, etc. Et donc au Chili, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, chaque fois que j'allais, j'étais assez touchée par un côté assez individualiste, où je me disais, mais zut, ils ont bien fait leur travail ici, parce que les gens, à peine se parlaient, c'était vraiment avoir le GSM le plus waouh. Moi, je vais arriver avec mes vieux trucs, on me disait, mais comment t'as ce truc-là? C'était presque scandaleux et tout. Et donc, il y avait quelque chose par rapport à la consommation qui était très forte, et de l'individualisme, et un peu, sauf qui peut, dans un système qui était assez rude, parce que par manque de... Oui, c'est un peu les lois. Voilà, il faut travailler, sinon tu peux être cassé. Comme on est un peu maintenant, ça commence ici aussi, un peu avec tout ce qui est commencer à se battre pour les droits, ça commence à être mal vu, etc. Et donc voilà, au Chili, c'était cette situation-là, jusqu'à donc, il y a 4 mois, je dirais, plus ou moins. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, il y a quelques années, il y a eu tout un mouvement des étudiants qui a commencé à dire maintenant, on veut l'éducation gratuite, c'est fini, c'est pas possible que l'accès à l'université soit réservé aux classes les plus qui peuvent payer. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui faisaient des crédits, qui payent pendant des années et des années et des années. Donc on pouvait demander un crédit, mais pendant qu'on travaillait, on devait rembourser ses études pendant des années et des années. Et donc voilà, c'était un système vraiment... Et les étudiants ont commencé à vraiment se battre pour une éducation gratuite. Et voilà, il y a eu tout un mouvement qui était très fort, très connu. Et on peut se dire que le Chili, ça fait des années qu'il y a des luttes comme ça, mais très ponctuelles. Il y a eu les femmes à un moment donné aussi et tout. Et la répression a toujours été là. Moi, je me souviens, donc moi, j'ai vécu là-bas aussi. Et la répression, ou quand je vais au Chili, les manifestations sont tout le temps réprimées. Et on lance des gaz lacrymogènes et tout ça... depuis toujours, et la répression est là. Donc, on peut dire que la constitution qui est restée, c'est la même de celle de Pinochet, d'ailleurs. Donc, les lois restent les mêmes. Donc, et donc, toute loi qui veut être innovatrice a un frein, parce qu'à un moment donné, au niveau du Sénat, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un deux tiers, etc., qui font que ça bloque. Et donc, du coup, on ne peut pas vraiment changer les lois. Il faut savoir que l'avortement et tout ça, même le divorce, c'est quelque chose qui est tout à fait... interdit. C'est tout nouveau. Par exemple, le divorce, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. C'était la nullité du mariage avant. Donc, il n'y avait pas le divorce. C'est quelque chose je ne sais plus dire les années, mais c'est assez récent, par exemple. Et donc, voilà, c'est un pays qui a hérité vraiment de cette... Pinochet et tout ce qu'il a laissé comme... c'est assez présent encore dans... Et donc voilà, il faut savoir qu'après ça, maintenant, il y a un gouvernement de droite, donc Piñera, qui est là, qui est pinochetiste, ouvertement. Mais qui, en plus, c'est un des plus... Je pense qu'il est plus riche que Trump. Donc, pour tout dire, c'est un des milliardaires les plus riches au monde. Il a énormément de multinationales, de choses. Donc, c'est vraiment... bien sûr, des histoires de finances et des bazars, mais tout ça, ça passe à la trappe, comme toujours. Et donc... Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'une fois de plus, les étudiants, il y a une montée du prix dans 30 pesos, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Hein, c'est vraiment 0,0, je ne sais pas combien de cents, ou 0,1 cent ou 10 cents, je ne sais pas. Mais ça a augmenté et les étudiants ont dit, il faut évader, on dit évader le métro, donc il faut... Oui. Et donc, ils ont fait ça, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont réveillés, en fait. C'est assez étonnant, le 17 octobre. Il y a un réveil du peuple où les gens ont dit ça suffit maintenant. Et il y a eu vraiment un mouvement et qui ne s'arrête plus. En fait, c'est ça qui est très touchant. Parce que c'est vraiment un hola, un stop aux abus. On en a marre des abus, on en a marre d'être dans ce système. Et où les gens ont commencé à se dire maintenant on va s'organiser. Donc c'est pas seulement ce qu'on peut voir à la place qui s'appelait à la base Baqueda. Donc c'est un personnage que personne... respecte, j'ai envie de dire, c'est un personnage. Mais ça s'appelle Place Italia, la Place Italie. Elle a été baptisée comme ça par les gens. Mais maintenant, ça s'appelle Place Dignité. Ils ont changé le nom là-bas. Mais les gens se retrouvent là-bas pour manifester. Il y a une manifestation, il y a 1,5 million de personnes dans la rue. Et c'est vraiment tout le monde de partout qui ont commencé à dire maintenant, ça suffit. Et alors, ce qui est génial, et c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses terribles qui se passent, mais il y a surtout toute cette beauté-là que moi, j'ai envie d'applaudir. Et je suis tellement fière, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me touche beaucoup en termes de... C'est passé d'un pays individualiste, consommateur, où les gens... Par exemple, la place, c'était la... Les places, ce n'étaient plus des places. C'était vraiment des trucs où les voitures passent, quoi. Mais c'était les centres commerciaux. On appelait ça la place, et place, je ne sais pas les noms des trucs, mais la place était devenue le centre commercial. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, la place est redevenue le quartier. On se retrouve, les gens le dimanche. Mon père me téléphone et me dit, Nathalie, excuse-moi, je dois sortir. On a la réunion. Et ça se passe dans les places. Et les gens chantent, se retrouvent, ils voient comment on peut changer. Donc, et il y a une telle pression qu'il y aura le 26 avril maintenant des élections pour un plébiscite pour voir si les gens disent oui, ok, on vote oui, on veut changer la constitution pour une nouvelle constitution ou non, on veut pas. Donc c'est seulement un plébiscite pour voir ça, mais ils sont déjà en train de coincer plein de choses, par exemple la parité homme-femme, ils ont voté contre ça, ils ont voté plein de lois maintenant pour pouvoir augmenter la répression, donc vraiment de laisser une carte blanche même aux militaires pour qu'ils puissent ressortir. Il faut savoir faut savoir que les premiers jours, le 17 octobre, quand ça, tout a commencé, Piñera a dit carrément maintenant les militaires dans les rues et le toque de queda, c'est pendant la dictature, à 19h, on ne peut plus sortir dans les rues. Le couvre-feu. Et ce qui est magnifique, c'est que les gens ont dit on n'a plus peur, on a tout enlevé, même la peur. Et donc à 19h, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils sortaient. Ils sortaient et ils chantaient El Derecho a Vivir en Paz, entre autres, hein, de Víctor Jara. Et il y a eu quelque chose comme ça, mais c'est très émouvant de voir comment il y a eu un réveil du peuple et qui est jusqu'à aujourd'hui, il n'arrête pas. Et donc, et malgré une répression terrible, c'est ça le côté très très dur, c'est que la répression, elle est horrible. Il y a une escalade parce qu'ils voient que les gens n'arrêtent pas et qu'ils continuent. Donc, et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que la Insoumise, on s'est retrouvés le 18 octobre, je pense, passagers. Quelques-uns, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. On a entendu plein de blessés, tout ça. On s'est dit, mais ici, il faut absolument créer quelque chose pour pouvoir aider là-bas, en fait. Et c'était aussi une façon un peu de pouvoir se... C'était dur d'être ici, ne pas être là-bas avec tout ça. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider, etc. Et voilà, comme le collectif est né de personnes que... Moi, je connaissais deux ou trois. Et comme ça, et avec plein de jeunes qui ont été avant dans le mouvement des étudiants, par exemple. Donc, c'est... Voilà, mais je voulais tout d'abord transmettre cette fierté par rapport à cette lutte qui est en train d'être menée là-bas. Et c'est vraiment une des choses qui est dite, c'est jusqu'à que la dignité soit coutume. C'est vraiment maintenant, on va lutter jusqu'à que les choses changent pour du vrai. Et après 4 mois, et après tout, parce qu'il y a, des morts, il y a des borniers, des gens qui ont perdu les yeux et tout, énormément. Il y a, ouais, quand tu as dit à la soirée de soutien, c'était vraiment quelque chose qui me choquait. Le premier que tu disais, il y a 800 personnes... plus qu'ils ont perdu les jeux, c'est ça? Non, c'est 400... Je pense qu'on approche de 450. Mais il y a, au niveau des décès... Donc ici, là, c'est le week-end passé, en 3 jours, il y a 4 morts. Décès aussi? Oui, et donc, mais c'est des choses assez... On va chercher les gens, même dans la rue. Donc, parfois, il y a des gens qui marchent. Et il y a une camionnette de civils qui arrive. Ils prennent les gens, ils les amènent. Donc, il y a... plus de 10 000, je ne sais pas combien, 12 000 personnes emprisonnées. Mais ça aussi, avec, les gens emprisonnés, c'est aussi énorme. C'est énorme. Et donc, voilà, la répression, elle est vraiment rude. Quoi. C'est vraiment... Mais j'ai envie de dire, la répression, il faut savoir, en Colombie, le 20 janvier, il y avait 25 leaders sociaux décédés. Le 25... Il y a plus de décès de leaders sociaux, on ne parle pas des autres. Hein. Donc voilà, c'est une... Ce qui se passe, c'est qu'ici, il n'y a plus la peur. Il y a quelque chose qui... Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de dire... Et ce n'est même pas parce qu'il s'est passé quelque... Ouais, il s'est passé 30 pesos que le métro a monté. Mais c'est vraiment un stop aux abus. Quoi. Non, le néolibéralisme, ras-le-bol. Et c'est ça qui est génial. Quoi. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Oui, et que les gens se sont dit, mais maintenant, ça suffit. Quoi. C'est bon. Quoi, de... Les gens là-bas vivent pour travailler et pour gagner un salaire qui leur permet... Donc, les enseignants, ils doivent avoir différentes écoles, parce qu'il y a différents... le matin, l'après-midi, du soir. Et donc, c'est une vie, c'est travail. Il faut traverser Santiago, c'est 2 heures. Donc, c'est des choses que les gens... Il faut savoir, là-bas, il y a des... Comme le film Roma mexicain, la nana, c'est les femmes qui travaillent dans les maisons. Bon, j'ai vécu, j'étais exilée ici, hein, donc je suis rentrée au Chili à 16-17 ans, quand j'ai vu des gens qui travaillent en interne, mais qui sont partis de la campagne à 17 ans et qui, en 90 ans, ils sont toujours avec le monsieur. Ils n'ont que le dimanche pour sortir un tout petit peu. Mais c'est esclavagisme. Il y a des choses comme ça qu'on se dit waouh, wow, quel système. C'est rude, quoi. Et les gens se battent et essayent de survivre dans ce système. Et là, c'est un peu... Ça suffit, quoi. Mais quand même, il y a je sais pas, toi, Nicole, tu avais dit quand même qu'il y a aussi le... les actions féministes et tout ça qui a quand même emmené pas mal de femmes dans les rues, dans énormes. Ouais. Aussi la manif peut-être étudiants, c'est quand même, c'était pas rien non plus avant. Non, c'était énorme. Donc, donc je pense que c'est une mobilisation un peu dispersée. Oui. Même comme tu dis dans ce milieu consumérisme et tout ça, il y avait quand même des grosses mobilisations. Et l'artistique, l'art qui commençait vraiment, il y a quelque chose à ce niveau-là. Très fort, donc ça je tiens à le dire, c'est qu'au Chili il y a eu ces mouvements très forts, avec très innovateurs aussi. Mais en même temps, c'était ponctuel. Et puis, par exemple, pour les étudiants, il y en a pas mal qui sont arrivés au gouvernement après. Et donc voilà, ça a fait un peu qu'il y avait un espoir de quelque chose. Mais au fond, comme tout est tellement cadenassé, les choses ne changent pas. Et donc là, c'est vraiment maintenant, ça insuffit. On veut une nouvelle constitution, on veut quelque chose qui soit vraiment tout rasé pour recommencer à zéro ce pays qui est vraiment, je peux vous dire, c'est le néolibéralisme sauvage, quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça que la Sine Soumise sur Séné. Il est né quand ? Le 18 octobre. Le 18 octobre. Ouais, donc c'est c'était vraiment. Mais bon, c'était vraiment un mouvement. Au début, c'était un peu, comment dire, on s'est retrouvés dans la rue avec il y a des gens qui sont arrivés, des percussions. C'était vraiment une fête, quoi, de dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis on s'est dit, on va faire une première activité. C'était assez magique parce qu'on était un groupe de personnes qui ne se connaissaient pas fort à la base. Mais tout de suite, il y a une synergie entre nous, quelque chose de fort, en fait. Il y a pas mal de jeunes, hein, ça c'est chouette. Il y a des personnages, des gens qu'on se connaissait ici. Je dis des personnages dans le bon sens, des personnes vraiment. Par exemple, on a l'honneur d'avoir dans le groupe aussi la petite fille de Violeta Parra qui fait partie aussi. Et voilà, et des jeunes qui étaient là-bas avant dans le mouvement étudiant et qui se retrouvent ici ou qui ont été dans des associations de quartier là-bas et qui étaient vraiment organisés des choses et tout. Donc il y avait pas mal de contacts là-bas au Chili aussi. Et voilà, donc on a démarré, on s'est dit une première activité, on a gagné pas mal d'argent la première fois, on s'est dit bon, c'est pas mal, on a envoyé, on s'est dit on va refaire. Là je tiens vraiment à remercier Aureliano du Labo Cube qui nous a ouvert ses portes. En disant, voilà, moi j'ai vécu au Chili, j'ai vécu tout ça, moi je vous ouvre les portes, faites vraiment disposer du lieu. Je veux remercier tous les musiciens qui, depuis. Donc il faut savoir que depuis octobre, on organise presque de manière hebdomadaire des fêtes. Et à chaque fois, il y a eu des musiciens qui sont venus, mais pas un. Hein. Donc on a eu deux groupes, énormément de monde qui vient. Des gens qui viennent, mais même quand je dois organiser le programme, je suis là et j'ai déjà un peu toute la soirée prise. Non, mais moi aussi je veux. Et, wow, et c'est magnifique de voir ce mouvement de solidarité. Les gens qui viennent et qui disent voilà, je fais un gâteau, je l'offre pour le vendre, je fais un point. Et les gens arrivent en donnant plein de choses pour qu'on puisse revendre. Et ça commence à prendre une certaine force. Et voilà, moi je suis aujourd'hui accompagnée par Pino, qui est un ami italien. Et qui, on s'est connus là-bas dans ses activités. Il est arrivé par hasard, il racontera. Dans une fête, finalement. Dans une fête, oui. C'est comme ça que l'activisme commence. Mais oui. T'as les meilleures histoires. Et donc, voilà. Et ce qui est fou maintenant, c'est qu'on a fait une fête samedi. Et j'étais là, je regardais, je me dis, mais il n'y a même pas une moitié qui est chilienne. Il y avait. Bon, je crois que Pino ramène pas mal de monde. Mais j'aime beaucoup ces fêtes. Ils organisent des bonnes fêtes, je conseille. Et donc, on a énormément de personnes qui commencent à venir d'ailleurs aussi, et d'un peu partout. On a fait une rencontre latino-américaine. Et donc, on a organisé une marche latino-américaine. Et en fait, au fond, on se dit, mais on veut envoyer des sous au Chili, c'est clair, on veut continuer. Et il faut savoir que tout ça se trouve sur la page d'Asin Soumis. Mais on envoie à. Aux paramédecins, on dit, aux infirmiers, aux médecins, paramédicaux qui sont dans la rue. Il faut savoir que c'est des gens qui sont et qui reçoivent aussi toute la répression, parce qu'ils sont sur le terrain. Donc, ils sont avec des casques, ils sont avec. Et voilà, donc on envoie pour qu'ils puissent vraiment acheter tout ce qu'il faut pour soigner les personnes, parce qu'il y a énormément de blessés à chaque fois. Peut-être s'il y a un moyen, on peut peut-être aborder les projets, parce qu'il y en a beaucoup à qui vous donner le soutien, après un petit peu de musique. Ah oui, parce que c'est vrai. On a besoin, peut-être plus d'auditeurs et auditrices, un petit pause. Oui. Si tu peux juste. C'est des musiciens qui sont venus pendant la soirée, la musique que vous avez. Non, c'est plutôt musique là-bas, en Chili. Oui, donc il y a. Bon, j'ai apporté, parce qu'il y a pas mal de musique maintenant qui devient. Mais j'ai apporté une chanson, la première, je pense que c'est par rapport au Chili qui s'est réveillé. Mm-hmm. Donc je trouve que ça bouge pas mal, donc ça peut réveiller après tout le blabla. Ça peut réveiller un peu. Mais ça parle un peu de ce Chili qui s'est réveillé et c'est un peu combien, comme ça, un peu. Ça bougeote. Après, je vous montrerai peut-être les chansons plus. J'ai parlé de Derecho y Viron Paz. Ils ont fait une nouvelle version et tout ça. Donc. Mais peut-être la première, c'est. Movimiento original y despierto. Réveillé, ça veut dire. No queremos más armas ni falsas palabras. De afuera la represión de la fuerza militar. Por los de ahora y los que vendrán, decimos ya basta. Porque no hay mal que dure eternidad, la esperanza en gasta. Por los que lucharon tiempo atrás, se enciende esta llama. Porque no hay mal que dure eternidad, el pueblo es este canto y está la condición. Levantamos ya los puños por la unificación. Mi Chile está despierto y ya no nubla su visión. Aquí expresamos descontento en esta noble rebelión. No, el pueblo ya no retrocede. Vamos todos a marchar pa' que las mentes se eleven. Protestamos por la paz, aunque no salga en la tele. Y de aquí le gritamos, hay más verdad de los carteles. Ellos están ardiendo Troya. Hay que estar ciegos para ver que son pistolas contra joyas. Y me recuerda a un dictador tirano. Son sus disparos a mis vecinos con sus cucharas de palo. Dijimos hace tiempo basta ya. Advertimos que la bomba iba a estallar. Más que decir ya casi queda nada. Solo falta que nos cobren por respirar. Él tiene un revólver, la manera que usan para resolver. Y al parecer otro joven ya a su casa ya no va a volver. Le dice a mamá que nunca más lo va a ver. Se suponía que nos iban a defender, no que nos iban a hacer desaparecer. Ya se acerca el fin de tu era. Voilà, on est encore toujours à l'émission Tranche d'un art avec le collectif Insoumisos et on parle de Chili. Mais bon, voilà, oui, donc tu disais que tu donnais des soirées de soutien pour plein de projets, donc pour tout ce qui est frais médicaux. Mais il y avait aussi plein d'autres. Oui, c'est ça. Donc il y a les associations de quartier aussi qui organisent un peu. Qui organise aussi de l'éducation aussi permanente, j'ai envie de dire un peu, mais aussi de la résistance et de voir un peu qui voit. Parce qu'en fait, il faut savoir que les manifs, il y a tous les jours des manifs, surtout le vendredi. Le vendredi est devenu une tradition de se retrouver dans cette place. Mais ces manifs ne peuvent avoir lieu que parce qu'il y a une première ligne, on appelle ça la première ligne. Et c'est ça, oui. Qui sont vraiment un groupe de défense, en fait, de la manif, mais qui, c'est eux qui sont, comment dire, en première ligne et qui reçoivent, en fait, il faut savoir que la police tire au visage et ils sont en train de tirer même avec les pompes, l'autopompe, l'eau, elle est avec des chimies qui brûlent la peau. Donc il faut savoir que c'est devenu vraiment très dangereux, mais même si on est en première ligne, mais j'ai envie de dire, c'est grâce à eux que ces manifs peuvent avoir lieu. Parce que sinon, ce serait vraiment impossible de pouvoir démontrer ce mécontentement. Et donc voilà. À la soirée avec Cine TV, il y avait un court-métrage. Et là, on voyait bien comment les gens devaient se défendre avec des... Et qui sont ces gens qui vont sur les premières lignes? C'est des volontaires. Des courageux. Des volontaires courageux. Volontaires courageux. Parce que c'est assez violent. Hein. Oui, et voilà, il y a beaucoup de jeunesse. Mes enfants sont là. Mes enfants, j'ai des fils assez... d'écran. Et ils ont été, ils me disent, maman, si tu savais, il y a des enfants de 10 ans, quoi. Il y a parfois des... Il y a des enfants ou des jeunes qui n'ont rien à perdre, qui sont, par exemple, dans des sénats, mais c'est un peu le... l'orphelinat, etc. Mais il y a un peu de tout, en fait. Il y a des jeunes aussi qui sont... qui se disent il faut y aller. Voilà, c'est assez. C'est effectivement. C'est une première ligne de défense, mais qui, avec toute la violence, ça va in crescendo. Et, oui. Voilà, mais la violence, elle vient surtout de la répression. C'est, oui. Bon, et donc, il faut prendre, il faut quand même la musique maintenant. Oui. Il faut quand même oser prendre des coups. Oui, non, c'est pour ça que je dis c'est un moment fort courageux. Bon, on a envoyé aussi des sous. Il y a eu un incendie à Valparaíso, donc on a envoyé aussi des sous pour refaire, pour avoir du matériel pour refaire des maisons. Donc on s'est dit à un moment donné, c'est pouvoir apporter là où il y a vraiment des besoins. Il y a, on est en contact. Il y a un groupe qui s'appelle Anarchia Tropical et un d'eux a perdu un œil aussi. Et donc, on est en contact avec lui, on a envoyé des sous. Mais lui, il pense faire un peu ce que nous on fait ici, mais là-bas, pour ne pas dépendre de l'aide internationale. Il a déjà envie de pouvoir générer. Et comme il est en contact avec plein de musiciens, il voudrait faire aussi des soirées avec des musiciens. Et donc, voilà, on finance des projets comme ça, l'idée étant vraiment de pouvoir soutenir tout ce mouvement jusqu'à qui est vraiment. Jusqu'à que la dignité soit coutume, comme ils disent. Et à part en Belgique, est-ce qu'il y a d'autres mouvements La musique arrive. Oui, peut-être on va quand même... Attends, je termine juste. À part en Belgique, est-ce qu'il y a d'autres mouvements des insoumis ailleurs, en Europe? Il y a, ça s'appelle, c'est pas la Insumisos, mais il y a la Red Chile Desperto, le Chili s'est réveillé, je crois. Et ça, il y a tout un groupe. Sinon, en Belgique aussi, il y a d'autres associations aussi qui sont là pour la nouvelle constitution. Donc, il y a plusieurs groupes de Chiliens organisés. On essaye de se coordonner aussi. Donc, voilà, c'est... Oui, il y a plein de gens qui se mobilisent de partout, en fait. Maintenant, là-bas, c'est... Ce qu'il faut essayer, c'est que le mouvement ne se souffle pas, ni là-bas, ni ici, ni nulle part. Et c'est un peu au Chili, on nous dit parfois, oui, mais à un moment donné, il y avait plein d'aide, et maintenant, ça s'essouffle un peu. Donc, c'est pour ça que nous, on tient un peu à... On fait des choses un peu plus grandes, mais on avait dit qu'on allait faire un peu moins, mais plus grand pour avoir... Mais à la fin, on a quand même planifié un agenda qui est presque hebdomadaire. On fait une petite pause là, une semaine ou deux, mais à peu près on est reparti pour presque de manière. On a déjà les activités qui vont arriver. Mais voilà, donc oui, il y a des mouvements un peu partout. Maintenant, je ne sais pas si. Je sais qu'en France, à Châtelet, ils ont fait aussi un grand concert. Peut-être c'est des choses plus ponctuelles et moins comme ça. Okay. Mais un peu partout, oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes emprisonnées et qui n'ont pas de moyens. Donc, on a tous les avocats qui viennent gratuitement aussi, ou pas gratuitement, parce qu'il faut payer parfois un minimum, mais il faut les payer. Ou des situations de personnes qui... quelqu'un qui a perdu un œil et qui était en charge de 6 frères, qui ne peut plus travailler, donc seul. Et donc, on vient aider comme ça. C'est difficile parce qu'il y a tellement que parfois on est là, on a mal. Nos réunions, parfois, ce qui se prend plus le temps, c'est voir où est-ce qu'on envoie l'argent parce qu'il y a tellement d'interpellations. Et on essaye, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter de faire des activités parce qu'on se dit non, il faut. Parfois on est fatigué, on se dit mais non, il faut continuer parce qu'il y a trop de gens qui. On se dit non, il faut encore aider là. Et à la fois, c'est. On se dit mais fatigué de quoi? Là-bas, ils sont tous les jours. Et puis, on est tellement fiers de ce qui se passe au niveau de ce mouvement social. Et du coup, on a commencé à se dire, mais on a envie aussi de que ça puisse poursuivre et commencer à créer des liens et tout. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a commencé aussi à se dire, on veut faire cette marche latino-américaine parce qu'il y a plein de luttes qui se mènent partout. Contre le néolibéralisme, parce que c'est ça le problème, c'est le néolibéralisme à la fin, c'est ce système. Et donc, dans cette marche latino-américaine, c'était vraiment chouette, c'était très plein de couleurs. On a fait des ateliers entre nous, on a fait plein de pancartes, on les a mis par terre, mais les gens sont arrivés avec des drapeaux et tout. C'était une manif colorée, vraiment pleine de musique, de joie. Ouais. Et ça, c'était quand ça? C'était le 15 décembre. Mmh. Oui. Et voilà, et ce qui est génial, c'est que tout doucement, ça s'ouvre aussi à ici, en fait. Et Pino, qui est avec moi ici, par hasard, il habite tout près du Labocum, il a entendu la musique, il est rentré, mais du coup, on part ici parce que Pino est hyper impliqué dans plein de choses. Et on a commencé à créer tout un... Ça commence, en tout cas, à se créer un réseau. Ouais, on commence en convergence. Sur plusieurs fronts, et j'ai eu la chance, enfin, de vous découvrir comme ça par hasard. Et Et après, je ne vous ai plus quitté. D'abord pour la fête, après j'ai commencé à connaître de plus en plus la situation chilienne. Et quoique je suis européen, j'ai toujours vécu ici, je vois de plus en plus des ressemblances. Finalement, moi je suis quelqu'un qui est né dans la bonne petite classe moyenne européenne, italienne dans mon cas, et dans un monde technicolor et plastique où je joue toujours tous les jouets du monde. J'ai toujours été noyé dans ces discours du fait que j'aurais pu faire ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, le travail de mes rêves, etc., etc. Et après, ces moments n'est jamais arrivé. N'est jamais arrivé. Et comme moi, il y a une génération ici. Il y a une génération de plus en plus précarisée, de plus en plus d'enfants qui voient le futur comme quelque chose d'incertain. Et et une partie de cette génération ne sent pas que la frustration, mais sans la frustration de l'impuissance. Mais il y a quelque chose qui commence à changer maintenant. Ça fait 1-2 ans probablement que ces expériences ponctuelles des rébellions, même en Europe, commencent à se relier l'une à l'autre. Et en tombant par hasard et par chance, dans vos fêtes, je commençais à apprécier de plus en plus les travaux que vous avez commencé à faire avec des artistes, par exemple, d'avoir un lien communautaire assez fort, tout en gardant un aspect extrêmement ouvert vers les mondes, vers les mondes européens dans lesquels on est, mais aussi vers les idées, les opportunités que ces métissages culturels peuvent nous donner. Et de voir que finalement, votre lutte est notre lutte. La question néolibérale ne touche pas que le Chili, même si malheureusement a eu dans votre pays un peu a été la première tentative, déjà sous la dictature de Pinochet, les Chicago Boys envoyés par la CIA à soutenir le ministère de l'économie de Pinochet. Et bon, on a bien vu ça qui vous a donné, malheureusement avec du retard ici probablement, parce qu'on était quand même du côté gagnant, si on veut, du monde. On a reçu l'impact clairement après la crise financière et économique mondiale, quand la dette a permis à tous ces systèmes de se retourner vers nous en disant « bon là, il faut payer, il faut vendre les services publics. Là maintenant, c'est les privés qui gagnent. Austérité et privé. » Ma génération se trouve vraiment en impasse. Mmh. Mais de trouver des forces qui arrivent à faire des coalitions si importantes au Chili, et pas seulement au Chili, à moi et à beaucoup d'amis, des copains, copines, et à beaucoup de mouvements, ça donne quand même une énergie, un enthousiasme, et surtout un horizon. Et donc ça nous fait fortement plaisir de vous soutenir dans votre lutte qui est aussi la nôtre. Et là maintenant je parle au nom d'Extension Rébellion, avec la Zine Soumise. Enfin là on est en train de penser des nouvelles tactiques de convergence, enfin finalement, et je crois qu'il y aura bien moyen d'organiser des choses ensemble. Et parce que, il y a beaucoup à apprendre de notre part. Évidemment, si on veut ça, c'est pas pour aller dans une première ligne. On veut pas de la violence ici, clairement. Les jeux, c'est de comment on peut arriver à faire changer les choses avant d'arriver de tomber dans une situation si dramatique, si catastrophique comme celle qui est en train de passer au Chili. Et par contre, tout votre mouvement, ça nous inspire beaucoup. Et donc, je crois qu'il y aura moyen de continuer à faire cette lutte ensemble. Et pour répondre du 15 décembre, j'étais à la manif. J'ai vu la puissance internationale de beaucoup des luttes qui s'est rejoint, des pays de l'Amérique du Sud différents, avec des drapeaux différents. Et je vois que les choses qui nous unissent sont vachement plus importantes que les choses qui nous divisent. aussi la semaine passée, j'ai suivi. On apprend vraiment beaucoup. Hein. En vous suivant, on apprend vraiment beaucoup de choses sur l'Amérique du Sud, sur toutes les dynamiques qui finalement perversent dans notre société. Quoi. Juste pour parler de violence, c'est souvent aussi le dispositif militaire et police qui fait que tu n'as plus de choix aussi. Tu vois, c'est la question de violence. Ça arrive aussi avec la réaction-réaction. Oui, donc ici, même la en première Europe, ligne au Chili, c'est vraiment. Même Gilets jaunes et tout ça, c'est action-réaction. Ça, c'est un crâne. Donc, c'est pas vraiment toujours un choix. Quoi, non. Moi, je critique pas l'usage de violence en tant que réaction en soi. J'en dis que politiquement, en tant que mouvement, on trouve vachement plus intéressant d'arriver à agir dans la non-violence pour essayer d'être un mouvement de masse propositive et positive. Et enfin, notre jeu, c'est un défi contre les temps. Franchement, malheureusement, moi je sens cette pression qui n'est pas seulement générationnelle, mais aussi face à la politique. On voit qu'il y a une répression qui devient de plus en plus étranglante. Enfin, c'est un défi contre les temps. Je ne crois pas que, par exemple, si vous savez un peu, si vous avez légèrement suivi un peu les actions qu'il y a eu, plein d'arrestations préventives, mais vraiment préventives hors loi. Parce que bon, pour une arrestation préventive, il faut quand même avoir des indices concrets de menaces graves imminentes à l'ordre public. Donc on n'est pas en train de parler de ça, on parle des gens qui ont leur première approche à la désobéissance civile. On ne parle pas de gens, des grands militants radicaux. Hein. Extinction Rébellion, en tout cas, on est en approche, parmi beaucoup d'autres. Hein. Et on s'est rendu compte que, par contre, la répression est là, et probablement dans 5 ans, si on n'arrive pas à faire basculer une grande partie de l'opinion publique avec nous et contre, enfin pas avec nous, mais contre ce système de répression, on n'aura plus l'espace politique pour demander des changements de manière pacifique. Et la dernière chose que je veux, c'est la violence. Moi, je peur de la violence. Je veux pas voir ça. Donc, et c'est pour ça qu'il faut s'engager. Il faut s'engager maintenant. Il faut s'engager de manière la plus colorée, dynamique, artistique et bruyante possible. Et par rapport à ça, c'est vrai que moi, je pense aussi que pour pouvoir... parce que jusqu'à présent, ça a toujours été fort ce qui nous désunit, puisque ce qui nous unit hein, dans les luttes, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu, ça m'a fait penser à La vie de Brian, le film de Monty Python, où il y a le front des juifs, je ne sais pas quoi, qui lutte contre... C'était vraiment de lutte... Bon, c'est le même, mais ils ont un mot qui change dans le truc, ils s'entretuent. Oui. Et donc ici, moi, je pense que vraiment le futur, ça passe par pouvoir arriver à quelque chose dans cette ère où tout est contrôlé. Et vraiment, ça devient de plus en plus subtil aussi. Hein, et donc, comment pouvoir résister un peu et pouvoir changer les choses, parce que c'est pas... On n'est pas en réaction à quelque chose, il y a aussi un projet de vouloir quelque chose d'autre et de... C'est plus d'égalité, plus de dignité, plus d'avoir plus de justice, de solidarité. Donc, il y a une idée derrière. Donc, et donc, ce n'est pas en réaction à quelque chose, mais c'est pouvoir avoir un projet. Et pour ça, je pense qu'il est important de commencer. C'est pour ça que samedi passé, on a fait une rencontre interaméricaine sur base de ce qui nous unit. Et donc, même si on a invité, par exemple, pour le Venezuela, il y avait des points de vue différents. Et parce que c'est assez délicat, j'ai envie de dire, bravo. Et il y avait des points de vue différents, ils ont parlé chacun leur point de vue, et tout était bienvenu, on s'entendait, on se racontait nos luttes. Il y a des tactiques différentes, et c'est juste chacun a choisi un peu sa tactique qu'il trouve. Pour non, mais c'est aussi des points de vue, est-ce que Maduro on est pour, ou on trouve que Maduro non, etc. Et c'est des points de vue qui normalement créent débats et disputes et tout ça. Ici, les gens se sont parlé, on a entendu. Mais c'est de dire, voilà, mais nous, on est là unis contre un système qui est oppresseur et qui est en train de... Et ce qu'on veut, c'est la paix. D'ailleurs, la chanson phare maintenant, c'est le droit de vivre en paix, mais de vivre en paix, en dignité, en égalité. Donc, et pour arriver à tout ça, il faut se s'unir, il faut créer des liens, et donc c'est par là que ça se passe. Ça passe par parler aux voisins, ça se passe par vivre des moments de joie aussi, et de danser ensemble, et de se dire voilà, on croit à quelque chose d'autre et on s'unit pour le faire, et avec créativité, le côté artistique et tout ça, c'est de se mettre vraiment et de mettre les forces ensemble. Je pense à cette amie qui a été vraiment cruciale pour nous, pour la scène soumise, qui a plein de choses, qui connaît plein de dans le numérique, il y a plein de gens, il y a tellement de choses différentes, d'espaces différents, et c'est en mettant tout ça ensemble qu'on peut arriver à changer quelque chose. Et donc voilà, c'est pour ça que l'éducation, l'enseignement est important. Il faut vraiment toucher à tellement de trucs que plus on sera. Et je pense qu'effectivement, c'est un travail de sensibilisation, de se parler, de créer des liens, de presque j'ai envie d'amour. C'est des actes d'amour qu'ils font maintenant, et pas de guerre et de disputes. Et donc voilà, il faut mettre ça en avant, quoi, la bienveillance, la compassion, l'amour. Ça fait un peu chrétien, mais, mais c'est des choses où il faut se dire, voilà, on y croit et on y va, on est motivé, et on va pas, pourquoi t'as dit ça, pas partir pour les choses qui sont le mot que t'as, pourquoi t'as dit ça, non, ok, tu peux te tromper, ouais, mais c'est vraiment, il faut garder cette motivation, cette force, quoi. C'est important, je pense. Et donc voilà, et donc c'est vrai que la scène soumise avait un projet très concret et très monétaire presque, envoyer des sous. Et en même temps, voilà, il y a plein de synergies qui sont en train de se créer. Donc vous allez faire un événement ensemble ou c'est quoi, ou là, il y a déjà des choses concrètes Non, il n'y a pas encore de choses. On garde la surprise. On garde la surprise, mais voilà. Non, mais par rapport à Skypino, c'est une amitié qui s'est installée aussi, et je me suis dit, c'est intéressant aussi comme témoignage, parce que c'est vrai que tu es là depuis longtemps, tu viens. C'est notre danseur number one. Non, et à part ça, il y a des projets qui se mettent en place. C'est vrai qu'on va garder la surprise. Je voulais par contre vous parler qu'on a un événement qui arrive, qui est assez chouette. Mais je ne sais pas si vous voulez mettre un peu de musique avant pour ne pas faire tellement blabla. Sinon, on ne va jamais arriver à terminer le chouette morceau que tu as emmené. Mais donc, je ne sais pas si vous voulez entendre cette chanson, Le droit de vivre en paix, puisque mon papa me dirait, Nathalie, je ne supporte pas les chansons qui sont détournées avec d'autres textes. Donc, soit on peut mettre celle de Victor Jara qui est l'original. Ou alors celle qui a été changée maintenant, je vais quand même, pardon papa, et le Chili, j'ai envie de me retrouver. Mettre celle qui devait streaming, il y a moyen de Donc le droit de vivre en paix avec, donc c'est tous les auteurs, tous les chanteurs de maintenant, en fait, qui ont changé la chanson et qui parlent le droit de vivre avec dignité dans notre pays et avec tout, de s'adapter au moment présent en fait. À la fin de l'émission, on peut mettre l'original aussi. Oui, ça va. Ouais. Comme ça, la paix. C'est entre... Derecho y vida en paz y de autores varios. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Libertad, la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, paloma. Voilà. Je pensais peut-être vous parler de l'événement qu'on est en train d'organiser le 7 mars. Ce qui est intéressant, c'est que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mm-hmm. Et donc, on organise ça avec Aureliano de la Bocube, donc notre ange gardien. Et l'usine, qui est un squat qui est au canal. Mm-hmm. Et donc, ça va être toute la journée. Donc, on commence à 2h de l'après-midi, on termine à 6h du matin. Voilà, j'espère que la santé va suivre. Ouais. Et voilà, il y aura des conférences gesticulées. Donc, c'est une banquière, une femme qui était banquière avant, qui va venir raconter son histoire. Elle a arrêté. Hein. Il y aura de la sérigraphie, il y aura du cirque aussi. Il y aura marionnette avec Natasha Belova, qui est quelqu'un qui a fait une marionnette qui s'appelle La Tchaïka. C'est une pièce de théâtre juste magnifique. Elle va faire un atelier de marionnette. Il y aura un atelier masque qui va préparer le carnaval sauvage. Il y aura des chorales, il y aura expo. Il y a un labyrinthe à l'usine, c'est un endroit où on rentre et on ne sait pas où. Il faut arriver au bar. Il y aura de la cueca, il y aura. La cueca, c'est la danse traditionnelle chilienne. Il y aura le groupe Awakemekem, c'est un groupe de cumbia qui est fidèle. C'est un des groupes qui vient tout le temps, c'est un groupe qui normalement coûte beaucoup. Et il vient gratuitement chez nous, donc je tiens vraiment à les remercier. Voilà, il y aura du rap, il y aura des fanfares, il y aura du rock. Fanfares, c'est Pelouse Grass Band. Applicame la Zapatilla, c'est du rock. Il y aura vraiment de tout. Il y aura un DJ techno. Donc, on va passer par tous les. Et donc voilà, c'est chouette parce que ça a eu les collectifs de l'usine et Aurélien de l'Apocube qui avait avant le Bouillon Cube. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le squad qui était. Et à propos de squat, voilà, donc ça c'est le 7 mars, ça dure de 2h de l'après-midi, on aura des activités pour des enfants, on va apporter des crêpières, on va faire des crêpes avec les enfants, jusqu'à 6h du mat. Ça c'est le 7 mars, puis on envisageait continuer de manière plus ou moins hebdomadaire, à continuer au Labo Cube, on fait des dimanches solidaires, qui sont un peu plus calmes avec de la musique. Quoique c'est calme, et après ça termine toujours. Calme jusqu'à 3h, enfin, pas 6h du mat. Non, non. Non, mais c'est calme jusqu'à 10h du soir, et puis à 10h, il y a un moment donné où les gens commencent à danser, et il faut les. À 2h, stop. Donc voilà, mais normalement c'est calme. Et alors. Mais bon, je parlais d'usine, je parlais de squat, donc là, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Que voilà, c'est assez nouveau, mais je laisse la parole à Pino. Mais oui. Il y a un projet on a un petit projet squat qui est en train de s'ouvrir là maintenant. En tout cas, parce qu'on pense que voilà, c'est très important d'avoir des espaces publics. Sans un espace public, on ne peut pas avoir de la démocratie. Sans un espace public, on ne peut pas se rencontrer, partager, amour, enfin, tout ça qu'on veut. Enfin, si ils nous laissent que avec des espaces commerciaux, avoir un peu la rue un SPAC, enfin, tu es en train de se commercialiser, la ville doit être de plus en plus performante touristiquement, en compétition avec d'autres villes, et donc elles sont où nos places, elles sont où nos espaces. Et là, on est en train, avec plusieurs collectifs, d'ouvrir un lieu assez grand, mais on cherche toujours d'autres collectifs qui pensent pouvoir évoluer, s'investir dans un lieu évidemment alternatif, évidemment avec des valeurs dans les sociales et l'environnemental très importantes. Et ben, si vous avez des idées, si vous voulez nous rencontrer et en savoir plus, vous pouvez nous écrire un email, un adresse ProtonMail, donc c'est un adresse cryptée. Faites-vous un adresse ProtonMail pour nous écrire, comme ça sera des ProtonMail, ProtonMail, ProtonMail. Donc ça va être Casa del Popolo at comment dire, @ protonmail.com. Casa del Popolo, un mot, at protonmail.com. Et voilà, enfin, on cherche d'autres collectifs. C'est vraiment un bel espace. J'espère vraiment d'avoir la scène soumise qui va venir avec nous, surtout parce qu'il y a un énorme potentiel fête et je sais qu'il sait organiser des fêtes. Et voilà, enfin, on essaierait de faire avancer un peu notre ville tous ensemble dans une belle et bonne direction, et pas seulement pour avoir des boutiques des Zara sur l'espace Python. Et voilà, ça sera dans les centres. Ça, c'est quelque chose que Chili, c'est la réappropriation de l'espace public. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, bon, c'est l'été aussi, voilà. Mais les gens sont dehors, quoi. Ils sont vraiment, et ils se retrouvent dans les places, ils font des barbecues, des pique-niques, ils parlent pour la nouvelle constitution. Ils ont fait les cavilles, dans les cavilles, c'est des réunions vraiment pour préparer. Et donc il y a tout un système de solidarité qui s'est installé, de réfléchir et d'intelligence collective qui est très important. Donc voilà, c'est comment mettre, je sais pas, c'est quelque chose de, il y a un changement sociétal qui est très fort. On est passé de ce truc, de cette histoire du GSM, avoir un iPhone, parce que déjà, ça, je sais pas comment, je comprends même pas, mais bon, voilà. Je sais pas trop parler de tout ça, mais je sais que les iPhones, c'est mieux que les autres, on ne comprend rien. C'est devenu démodé maintenant. C'est un peu, mon père me raconte que maintenant, c'est un peu mal vu de commencer à parler d'un GSM, quoi. Même de sortir avant, quand j'allais au Chili, on était à table et tout le monde sortait son GSM, était sur son GSM. Et mon père m'a dit, maintenant, Nat, c'est fini, ça. Les gens se parlent, se regardent. Et donc, déjà, que ça, c'est un changement tellement fort et tellement touchant que je me dis, waouh, quoi, ça donne de l'espoir, mais à fond. Et ça donne une force motrice. Que même quand je suis un peu fatiguée, je me dis, mais non, allez, boum. Et il y a un truc en moi que je ne sais même pas. J'arrive même plus à dormir. Hein. J'arrive tellement, j'ai mon corps qui est en ébullition et tout. Donc. Et je pense que ça se passe pas mal pour nous tous dans les insoumises, où c'est pas mal de Chiliens qui disent, j'arrive plus à dormir, je suis là. Et c'est fort, quoi. C'est presque corporel, quoi. Et au Chili, c'est ça, c'est un mouvement. C'est dans les tripes, quoi, et ils vont pas arrêter tant qu'il n'y a pas un changement réel, je pense. Malgré la répression, malgré tout ça, ils sont là, quoi. Et donc, c'est... Peut-être que ça mérite encore une autre musique. Mais bien sûr. Pour l'énergie. Oui, peut-être. Tout ça a commencé avec le cacerolas, c'était des gens qui sortaient dans la rue avec des casseroles. Donc, je trouve intéressant, peut-être, avec Anita Tiyou, cacerolas. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP. Cacerolazo, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Casuma e la clavito. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Casi, casi, casi. Se escucha de lejos la cacerola. Si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco. No tenemos miedo. Cacerolazo. No estamos en guerra. Estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos. Y al toque de queda. Cacerolazo. No somos alienígenas ni extraterrestres. No cachai nada. Es el pueblo rebelde. Sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo. Cacerolazo. Cacerolazo. Casi, casi. Cacerolazo. Cacerolazo. Cacerolazo. Casi, casi. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Lo más importante es la cabeza fría. La cabeza fría. Voilà, c'était Cacerolazo, parce que tu as démarré avec les casseroles. Et ça parle un peu de... Il y avait un débat très intéressant. Oui. Mais je ne sais pas si on a le temps pour en non, discuter encore oui. Maintenant, mais bon, c'est vrai. Ça mérite de... une émission. Ça mérite une émission, oui, oui. Bon, c'était sur la révolution pacifique ou révolution ouais. De violence. Ouais. Mais bon, je voulais, comme anecdote ouais. Aussi, raconter cette histoire de la stésis, les femmes qui se sont... En fait, c'est une histoire... C'est des femmes qui étaient en train de faire une pièce de théâtre, mais comme tout le mouvement a commencé, se sont dit ouais, on va le faire dans la rue, et il n'y a pas eu la pièce de théâtre à la fin. C'est l'histoire de le violeur, c'est toi, vous avez entendu parler, c'est le violador, eres tu. Et, c'est ça que toi, tu as vu, non? Et ça, c'est un mouvement qui a pris une force telle que même dans, j'ai vu en Algérie, en Palestine, je sais pas si on peut, mais il y a énormément de pays. Je pense en Australie et tout ça. Bon, les femmes chiliennes qui sont dans chaque pays ont fait déjà un peu partout, en France aussi. Mais ici, il y a un mouvement, donc on l'a fait ici. Et c'est les féministes belges, en fait, qui ont repris aussi, avec une partie en français. Et ça a pris une force de dingue, quoi. Peut-être on peut passer un petit morceau de la stésis, comme ça vous voyez un peu ce que c'est. C'est la stésis. Peut-être même mettre peut-être le milieu de la ah chanson, oui, ça, comme ça. Oui, elle chante, il y a un violeur ou des trucs comme le ça. Le violeur, c'est oui, toi, oui. Un truc comme ça. Le président, oui. Et l'État chiant. Oppresseur et tout. Et ça, ça a pris une force mondiale. Et c'est assez... Elles étaient nombreuses hein, quand elles ont fait ça à Santiago, près de la... À Santiago, ils ont près de l'Estadio Nacional. Oui, près du Stade National. C'était super. C'était une masse de personnes. Oui, j'ai vu la vidéo, c'est incroyable. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant de voir, si vous pouvez aller voir un peu la place d'Unité, quand il y a la grosse manifestation, 1,5 million, je ne sais pas combien de personnes. C'est impressionnant. Et tout ça avec une répression qui est là et qui lance des bombes lacrymogènes et des trucs. Et la première ligne qui protège, mais les gens sont là et manifestent. Mais c'est très artistique. Il y a énormément de choses dans les manifs, des fanfares. C'est culturellement très, très fort. Et c'est ça qu'on a envie de faire passer ici aussi, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas que des fêtes. On a envie de montrer ce côté culturel. On va y arriver. Hein? On va y arriver, petit, petit. Oui, on va petit, petit. Oui, c'est clair. Allez, un petit, petit son, alors. Piano, piano, Valentino. Et ça, non. Et ça, non. ¡Es la desaparición! voilà, c'est ça. C'est ça. Et ici, ils ont chanté à Paris, je ne sais pas si vous avez vu, avec la Tour Eiffel, le violeur, c'est tout. Et voilà, c'est l'État qui est oppresseur. Et donc, ça a pris une force, mais comme plein d'autres choses au Chili. Parce que ça, je voulais fête, aussi encore te parler, parce que quand tu disais, oui, même, il y a des... plein de choses qui se passent pendant les manifs et les femmes ne laissent pas se faire avec la violence policière et tout. Mais aussi les courts-métrages dans la soirée des INTV, oui, ce qui était aussi remarquable, c'est les chiens. Le chien Matapac aussi. Ouais. Oui, et c'est donc, devenu un emblème. Et j'ai vu que vous avez vous vendez ça, des écharpes. Donc avec, la semaine passée, on a fait avec les imprimeurs des sérigraphies artisanales, donc des bandanas comme ça et des sacs. Avec ça, c'est devenu un peu votre logo, c'est ça, ou c'est... Mais au Chili, c'est... Oui, c'est ça déjà, oui, mais à peu près insoumiseuse aussi. Vous utilisez ça un peu pour... Oui, parce que c'est... Ouais. En fait, c'est devenu vraiment un icône un peu de la lutte, parce que c'est un chien, il est fantastique, hein, vous avez vu le reportage. Mm-hmm. Un chien qui est là au manif, et il adore les manifs, en fait. Mais en plus, mais tous les chiens, il y a énormément de chiens. Mais celui-là, il avait le truc, c'est vrai, à chaque fois, on lui mettait des foulards différentes. Mais qu'il attaquait la police, il était là pour défendre, en fait. C'était une première ligne. Même tous les chiens, il y avait les chiens restaient toujours devant, première ligne. Oui, quoi, oui, tu vois, même avec le pompe d'eau et tout ça, et toute lacrymo, il restait, il se battait. Et donc c'est le chien Matapac. Oui. Ouais. Et oui, ça devenait un emblème. Et nous, on a repris un peu. Parce qu'on trouve. C'est important d'avoir un symbole qu'on identifie. Puis par exemple, Mon Laferte, c'est une chanteuse très connue chilienne qui habite au Mexique. Elle est devenue, elle est sortie comme la personnalité, je ne sais pas dans quelle revue, je ne sais pas si The Times, ou, parce qu'au Grammy, elle a sorti ça en disant au Chili, on viole et on torture. Et donc, voilà, c'est tous des symboles comme ça qui deviennent. Il y a une femme qui est mime, qui a été tuée aussi par la police. Elle aussi est devenue un. Donc il y a des symboles, des personnes qui ont perdu les yeux. Il y a Gustavo Attica qui a perdu les deux yeux. Et voilà, donc il y a... Ah oui, j'ai vu une photo avec deux énormes yeux au-dessus d'un bâtiment. Comme et ça. Donc les yeux deviennent aussi... Oui, le symbole, oui. Par exemple, nous, on a manifesté la dernière fois, on avait tout un œil avec un sparadrap pour dénoncer ça. Et donc voilà, c'est une manière d'identifier un peu cette lutte. Parce que, oui, voilà, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de luttes, oui. Pour le moment aussi, oui, oui. Est-ce qu'il y a encore des autres événements dans le 7 mars? Oui, voilà, comme je disais, il y a au Labucu, on est en train de planifier. On voulait faire une manifestation le 29 février, encore relancer une marche latino-américaine, mais il y a énormément de choses, entre autres, voilà, dans ce réseau latino-américain qu'on commence à construire. Il y a Pau Cervantes qui organise, bon, Pau avec tout un collectif, hein, mais c'est une journée pour la défense de la terre, c'est le 29 février, et c'est aussi une rencontre de lutte, donc c'est le réseau Mala Hierba, et voilà, donc ça c'est, on mettra sûrement sur la page de la Sinsumiso l'activité. Ce jour-là aussi, il y a le carnaval d'Oruro, donc un carnaval qui commence place Sainte-Catherine, avec comme le carnaval bolivien d'Oruro, en fait, et qui va marcher, ça c'est magnifique à voir. Donc on se dit, ce jour-là, on va profiter de participer à toute cette beauté, et on sera là la journée de la défense de la terre sûrement comme participant, et aussi peut-être expliquer un peu. En fait, on est un peu, c'est un mouvement qui s'est créé comme ça, et donc ce qui se passe, c'est qu'on fait une grosse activité qu'on planifie parfois en 3 jours, et on est étonné de voir la dernière fois, avant à Tripostal, il y avait 412 personnes qui sont rentrées. On était un peu waouh, quoi. Et le samedi passé aussi, il y avait plein de monde. C'était plein de monde. Plein de monde, et c'était génial. Mais du coup, voilà, après on fait la réunion et on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a réservé plein de jours, au Labucu notamment, mais aussi à ce nouveau espace qu'on doit voir si on va l'investir aussi, à Épine. Bon, voilà, moi personnellement, j'ai vraiment envie, en tant que personne, et parce que. Moi aussi, il y a vraiment une amitié en plus qui est en train de se lier et tout, donc. Mais parce que en plus l'espace est génial, mais voilà, on fonctionne de manière vraiment démocratique, on est vraiment un groupe, les décisions sont prises partout. Oui, donc j'attends la réunion pour voir sur votre page Facebook. Voilà. Oui, et donc pour savoir, il faut suivre la page Facebook. Il faut suivre. Mm-hmm. Vous trouverez toutes les infos. Bah oui, ouais. Donc. Mais s'il y a des grands événements, moi je sais que vous avez mis finalement sur Indymedia. Oui, ça, j'ai commencé aussi à faire la pub sur Indymedia. C'est une copine qui m'a dit, mais tu sais, Facebook, il y a plein de gens alternatifs qui n'ont pas Facebook. Oui. Mm-hmm. Je dis, mais c'est vrai, c'est logique. Absolument. Oui, et donc j'ai appris que vous ne l'aviez pas non plus. Mm-hmm. Et donc sur Indymedia, je ferai toujours attention de mettre aussi le. Oui, le grand. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Moi, je veux dire, c'est, si tu sais déjà des dates comme 7 mars, il y a moyen. Mais le 7 mars, donc à l'usine, ça c'est de 14h à 6h du mat. Non. Allez voir sur Indymedia pour ceux qui avec raison, ne sont pas. Ne sont pas sur Facebook. Et sinon, là, c'est une soumise aussi. On a un mail aussi, Pino m'a conseillé. Donc, il y a las.isoumisos@protonmail.com. Et voilà. Donc, oui, parce que j'avais mis sur le blog de Tranjanar. Mais à ce moment-là, c'était encore Gmail. Donc, on a aussi le Gmail, hein, il est toujours là. Il y a toujours Gmail aussi. Donc voilà, c'est. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de me dire waouh, c'est ce mouvement, si ça peut motiver d'autres et nous motiver aussi à créer du lien et à faire des choses ensemble. C'est, parce qu'ici, vraiment, c'est très subtil, mais en même temps, pas subtil du tout. Mais la privatisation, ça se voit hein, dans. Les hôpitaux, l'enseignement, etc. On pousse les gens à aller dans le privé, à faire des choses. Et la précarisation, ça, c'est fort touchant de voir comment il y a de plus en plus de gens dans la rue. Voilà, il faut vraiment. Ici, il y a des acquis sociaux, donc en termes de. Et ils sont en train d'être perdus, donc il faut vraiment se battre pour ne pas les perdre et en regagner à nouveau. Et il y a moyen, la richesse est là. Oui, la richesse est là. Oui, de Bruxelles. La richesse est là, elle est mal distribuée. Donc voilà, il faut être alerte à tout ça. Et voilà. Donc si le Chili peut se stopper aux abus, peut inspirer des choses. En France, ils sont à fond aussi en train de dire stop. Quoi. Et donc au Liban. Il y a pas mal de pays qui se réveillent. Il y a beaucoup de pays. Il y a énormément de pays qui se réveillent. Il y a beaucoup de pays qui se réveillent. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays où ça va. On les tue carrément. Quoi, parce que bien sûr. Là, je reviens d'une conférence qui avait lieu sur la Guinée, avec un dictateur au pouvoir, et qui tue toute une ethnie qui s'appelle les Peuls, et qui a fait, qui a assis son pouvoir sur une espèce de division de toutes les ethnies, et donc pour diviser, pour mieux régner, et là, il s'en prend aux Peuls, ils sont massacrés comme des fous, quoi. Ah oui. Et le pire, c'est que quand on voit les médias ici, on n'en parle pas. Hein. Non, on n'en parle pas. Quand je regarde le journal télévisé ici, je me dis, mais attends, deuxième nouvelle, ça parle de, je ne sais pas quoi. Bon, le coronavirus oui, ça, qui prend parle, tout mais ça, c'est pour éviter de parler d'autre chose. De parler d'autre chose, mais la deuxième, c'était un truc, je sais plus, c'était quelqu'un qui s'était cassé une jambe presque. On s'est dit, mais on est où là? Et donc parfois, il faut. Oui, les médias, ça parle de ce que. Et donc voilà, s'informer, essayer d'avoir toujours aller chercher des bonnes informations. Je trouve qu'il faut vraiment. Tu disais aussi que tu faisais une émission à Radio Campus, donc. Oui, mais ça, c'est une émission latino. Latino en général. Le dimanche, oui. Mais c'est intéressant, il y a plein de choses à inviter. Donc, si les gens veulent entendre encore plus. Mais là, je ne vais pas en tant que la Cine Soumise. Ils ont déjà été invités. Et donc, faire le suivi sur le Chili, il y a moyen. Il y a moyen, mais par rapport aux nouvelles en Amérique latine, tout ça, c'est vraiment un média intéressant. C'est en français ou en espagnol ? C'est en espagnol. C'est en espagnol. Parfois, il y a des invités en français, mais c'est plus en espagnol. C'est le dimanche de 11h à 14h30. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment sur Internet, il faut trouver. Moi, ça, j'aimerais bien un atelier sur où s'informer. Ça serait intéressant et que les gens viennent avec des endroits, des. À propos de ça, enfin, en question, est-ce que Extinction Rébellion est sur Indymedia ou pas? Enfin, si vous le savez. Les actions? Bon, j'en sais rien. Enfin, moi, je connais pas trop Indymedia, mais vous que vous en parlez comme on ça. On peut publier vous-même, hein, donc c'est vraiment un média. Faites-toi-même le média. Et donc, il y a moyen, tout le monde peut publier. C'est intéressant de commencer à s'informer vraiment et de se connaître. C'est vraiment quelque chose qui était très riche et avec la Cine Soumise, c'est marrant parce qu'il y avait des gens, le jour où j'étais à la fête, samedi, une Algérienne qui me dit, il faut créer une alliance. voir ce qui se passe en Algérie, le Chili, et faire des liens. Et là, puis marocaine qui s'approche, oui, mais au Maroc. Là. Bon, l'Italie, peut-être al popolo, qui donne des idées, parce qu'ils se sont organisés aussi d'une base, ils ont fait un parti après. Mais il y a plein de choses comme ça, et des gens qui viennent vers nous. Il y a Podemos qui est venu maintenant, qui m'a téléphoné. Tiens, on pourrait faire quelque chose. Et parfois, ça nous dépasse un peu. On dit, ah ouais, on se calme. mais c'est génial à la fin. Non, c'est vraiment très touchant, et de voir que ça donne de l'espoir, en fait. Que c'est un mouvement positif. Oui, qu'il y a des gens qui soutiennent. Ouais. Donc voilà, mais peut-être ça, c'est la magie de Facebook, c'est que tout le monde peut regarder les informations. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur Facebook, alors du coup... Mais il y a des algorithmes aussi qui font que ce de droite devienne encore plus de droite, parce qu'ils ont l'algorithme qui arrive avec. C'est la magie de Facebook, je dirais aussi, c'est la magie de Bruxelles quand même. Hein. Oui, c'est ça aussi, parce qu'il y a quand même des lieux... C'est melting pot comme... Ouais. Qui a cette possibilité de après épanouir à l'international, mais d'être ancré dans une ville, ça c'est la magie de Bruxelles. Ça, je tiens à le dire, hein, je suis chilienne d'origine, mais ça fait des années, mes enfants sont nés ici et tout. Et j'adore Bruxelles, j'adore ce pays, c'est un pays très latin et très. Et on s'y sent. Il y a vraiment tout un circuit. Alternatif et des gens, je sais pas, je trouve il y a un côté très humble et très accueillant et bon, merci en tout cas pour ça, parce que je trouve c'est un pays où on se sent bien, c'est tout. Et qui permet plein de se sentir un peu chez soi. Ouais, comme tout ça. À fait. Enfin, Bruxelles, enfin, ça, c'est ma ville, quoi. Ouais. J'habite depuis 3 ans et demi et c'est ma ville, complètement ma ville. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous voulez, parce qu'il y a l'agenda encore. Oui, à passer. Et donc, une petite dernière chanson qui est quand même emblématique, que c'est Inti Imani, avec El Pueblo Unido, donc le peuple uni ne sera jamais vaincu. Et donc, je trouve que c'est. Il faut pour l'anecdote savoir que les Inti Imani ont vécu beaucoup en Italie. Donc, et même, il y a un chanteur, Lucio Dalla, qui disait Ah, ce groupe encore qui est affiché dappertutto. Donc, il est. Affiché partout, que noia mortale. C'était. Ah oui, c'était comme ça. Ah bon, non, mais c'était un peu. Mais après, bon, il a raconté que c'était tellement partout, mais l'Italie est devenue très proche du Chili à cause de ça aussi. Hein, parce que ça a créé. Et voilà, mais par exemple, en Turquie, un groupe qui chante ces chansons-là, il y a un peu, c'est un peu un emblème de. C'est une chanson de lutte. De lutte, mais qui est connue. Non. Et qui maintenant redevient, pour l'anecdote, si vous voulez aller voir, il y a Inti Illimani, Plaza de la Unidad, El Pueblo Unido. Allez voir ça, c'est avoir des larmes aux yeux, de voir toute cette marée de monde qui lève le poing et qui chante Inti Illimani, El Pueblo Unido, Plaza de la Unidad. Okay. Allez voir ça. Donc, voilà. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán sentirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo On est toujours à l'émission Transgenre et je pense que vous avez clôturé, vous avez encore un dernier mot, ou la chanson c'était déjà bien clair. Et vous remercier pour l'invitation, merci beaucoup d'être venu à la soirée aussi. Zine TV c'est un bon média aussi pour ça, alternatif. Et donc merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de vous revoir. Oui, bien sûr. Vous venez quand vous voulez, hein, si vous avez des événements à venir raconter ou des choses. Mais ils ont plein d'événements. On a plein tous les semaines. Vous venez quand vous voulez. Non, mais si tu veux reparler en Chili, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Oui, si, on verra si ça prend de la force ici, cet espace. Peut-être que ça peut être intéressant à un moment donné de venir présenter aussi ce qui se passe ici aussi. Bah oui, bien sûr. En lien là-bas et tout, on verra. On fait des émissions tous les mercredis avec plein de collectifs qui... bruxellois et autres qui viennent nous parler de ce qui se passe. Très bien. Donc, c'est bienvenue. J'espère de vous voir bientôt à une fête d'inauguration d'un nouveau squat dans les centres. Comme je dis, casadelpopolo@protonmail.com. Oui, on ne sait pas si ça va s'appeler comme ça après. Mais C'est un nom. Un proto-mail. Après, vous qu'il y a toujours plein d'Italiens. Et voilà, c'était un peu nostalgique, Casa del Popolo. Mais ça pourrait s'appeler, on ne sait pas encore. Ça, il faudra les décider tous ensemble. Ouais, d'accord. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, on va peut-être faire l'agenda maintenant. Ouais. Voilà, le samedi 8 février, à partir de 14h, à l'UPJB, et donc ça avait déjà commencé, parce qu'en fait, c'était du 31, il y avait une exposition engagée pédagogique et artistique, Palestine, de la Nakba 1948 à la Naksa 1967, et à aujourd'hui. C'est une exposition de photos. Qui a commencé le 31 janvier à partir de 18h de 18h à 20h, ça a été le vernissage, et c'est 61 rue de la Victoire à Saint-Gilles. Donc, cette exposition de photos va avoir lieu donc le 8, 9 et le 15 février de 14 à 18h et le dimanche 16 février de 14 à 17h. L'entrée est gratuite. Cette exposition a été créée en 2017 et 2018 par le groupe PJPO d'Itre à l'occasion des 70 ans de la Nakba, la catastrophe, et des 50 ans de la Naksa, guerre des six jours. Les photographes présentés, belges pour la plupart, ont couvert avec engagement et une grande force d'expression ces événements dont les conséquences, toujours actuelles, ont dramatiquement bouleversé la vie quotidienne des Palestiniens. Voilà, donc vous avez encore 4 jours pour voir cette exposition. Ensuite, également le 8 février, à 20h, lieu c'est la MAB, M-A-B, rue de l'Association 14 Bruxelles, à partir de 20h. C'est un lieu qui s'appelle Le Sabot, qui revient à Bruxelles avec le groupe Anathème pour vous apporter une bonne dose de sabotage littéraire. Donc c'est le 8 février à la maison à Bruxelles, la MAB, et il y aura des lectures, des concerts, des rencontres, voilà. Et on vous présentera également Le Sabot 8 sur la honte, ainsi que les textes de la ZAD d'Arlon, sablière ZAD d'Arlon. Donc c'est ce samedi 8 février à partir de 20h. Alors ensuite, nous arrivons au 11 février Il y a à 18h30 au Mundo B, rue d'Adimbourg, 26, des soirées d'infos projets internationaux pour partager le quotidien d'une famille berlinoise, mieux comprendre les enjeux du microcrédit, découvrir le secteur associatif aux Philippines au travers de la thématique de l'accès à la terre, exercer son esprit critique face aux défis de l'extraction minière pour les communautés indigènes en Équateur et au Pérou, autant de possibilités que recouvre la participation à un projet international. Donc, c'est des projets internationaux qui sont proposés à toute personne de s'impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par les associations partenaires de Quinoa en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est donc il y a une soirée d'information là-dessus au Mundo B le 11 février, 18h30, rue d'Édimbourg, 26 XL. Alors, le 11 février également, 19h, vous avez à la Maison du Livre les Écritures qui libèrent. C'est 28, la Maison du Livre se situe 28 rue de Rome, 1060 Bruxelles. Donc, les raisons d'écrire sont nombreuses dans l'espace et le temps contraint des prisons. Autour d'une rencontre ou d'une lecture, de véritables vocations naissent pendant et après l'enfermement. Incarcéré depuis 17 ans, Éric Lamers entame une correspondance avec Caroline Lamarche. S'en suivront une création radio à France Culture, puis au terme d'un long parcours de réinsertion, la publication de livres, une âme plus sinoire et une vie de la rencontre d'un professeur de philo en prison permettra à Audrey Chenu de se reconstruire et une fois libérée de devenir enseignante, deux témoignages de mains tendues et saisies qui ne doivent pas faire oublier qu'ils ne sont pas majoritaires. Voilà. Donc, ça se passe à la Maison du Livre, c'est 4 euros l'entrée et 2,50 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi, 1,25 € pour les articles 27. Et les sans-papiers, c'est entrée libre. Et alors, il y a le 12 février, à partir de 19h, vous avez au Casio, rue Saint-Guidon, 94 à 1070 Bruxelles, une rencontre avec les auteurs du livre « Moi, Silvio de Clabecq, militant ouvrier, Silvio Mara et Françoise Tirionnet, édition Argonne. Voilà. Donc, Forge de Clabette, c'était une usine sidérurgique qui était située près de Bruxelles. Pour Silvio Mara et ses collègues, le quotidien, c'est d'abord le combat contre les attitudes de résignation et de peur. Rapidement, il est élu des délégués syndicaux et en charge des questions d'hygiène et de sécurité. Silvio témoigne de 30 ans de lutte pour améliorer les conditions de travail et pour empêcher la fermeture annoncée du site. Son mandat syndical, Silvio le voit comme un moyen de faire vivre l'esprit de Clabecq. Pour mener leur combat, c'est sur leur propre force et sur leur connaissance de leur métier que les ouvriers de Clabecq s'appuient, quitte à mettre de côté l'appareil syndical, sitôt qu'ils déclarent ne plus rien pouvoir pour eux. Par sa confiance jamais démentie dans le potentiel émancipateur de sa classe, Silvio donne une leçon salvatrice d'optimisme militant. Et alors, il a dit ceci, le ministre socialiste avait annoncé la construction d'une prison à la place des Forges comme plan de reconversion pour les travailleurs. Idée monstrueuse et provocatrice, nous l'avions averti que s'il venait à la manifestation, nous le jetions dans le canal. D'ailleurs, nous avions mobilisé 2 maîtres nageurs pour ce jour-là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine avec une autre émission. Merci, au revoir. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Le Transjournal. Le Transjournal. Le Transjournal.